Module 18. Espérance et consolation. Étude 1. Peine et jouissance terrestre. L'homme est incessamment à la poursuite du bonheur qui lui échappe sans cesse, parce que le bonheur, sans mélange, n'existe pas sur la terre. Cependant, malgré les vicissitudes qui forment le cortège inévitable de cette vie, il pourrait tout au moins jouir d'un bonheur relatif. Mais il le cherche dans les choses périssables et sujettes aux mêmes vicissitudes, c'est-à-dire dans les jouissances matérielles, au lieu de le chercher dans les jouissances de l'âme, qui sont un avant-goût des jouissances célestes impérissables. Au lieu de chercher la paix du cœur, seul bonheur réel ici-bas, il est avide de tout ce qui peut l'agiter et le troubler. Les choses singulières, il semble se créer à dessein des tourments qu'il ne tiendrait qu'à lui d'éviter. Que de tourments, au contraire, s'épargne celui qui sait se contenter de ce qu'il a, qui voit, sans envie, ce qu'il n'a pas, qui ne cherche pas à paraître plus qu'il n'est. Il est toujours riche, car s'il regarde au-dessous de lui, au lieu de regarder au-dessus, il verra toujours des gens qui ont encore moins. Il est calme, parce qu'il ne se crée pas de besoins chimériques. Et le calme au milieu des orages de la vie, n'est-il pas le bonheur ? Ignorant la réalité spirituelle qui l'entoure et la continuité de la vie après la mort du corps physique, l'homme charnel, plus attaché à la vie corporelle qu'à la vie spirituelle, a, sur la terre, des peines et des jouissances matérielles. Son bonheur est dans la satisfaction fugitive de tous ses désirs. Son âme, constamment préoccupée et affectée des vicissitudes de la vie, est dans une anxiété et une torture perpétuelle. La mort l'effraie, parce qu'il doute de son avenir et qu'il laisse sur la terre toutes ses affections et toutes ses espérances. L'homme moral, qui s'est élevé au-dessus des besoins factices, créés par les passions, a, dès ici-bas, des jouissances inconnues à l'homme matériel. La modération de ses désirs donne à son esprit le calme et la sérénité. Heureux du bien qu'il fait, il n'est point pour lui de déception, et les contrariétés glissent sur son âme sans y laisser d'empreintes douloureuses. Ainsi, on s'étonne de trouver sur la terre tant de méchanceté et de mauvaises passions, tant de misère et d'infirmité de toutes sortes, que l'on en conclut que l'espèce humaine est une triste chose. Ce jugement provient du point de vue borné où l'on se place, et qui donne une fausse idée de l'ensemble. Il faut considérer que sur la terre, on ne voit pas toute l'humanité, mais une très petite fraction de l'humanité. En effet, l'espèce humaine comprend tous les êtres doués de raison qui peuplent les innombrables mondes de l'univers. Or, qu'est-ce que la population de la Terre auprès de la population totale de ces mondes? Bien moins que celle d'un hameau par rapport à celle d'un grand empire. La situation matérielle et morale de l'humanité terrestre n'a plus rien qui étonne si l'on se rend compte de la destination de la Terre et de la nature de ceux qui l'habitent. Dans ce sens, nous savons que la terre appartient à la catégorie des mondes d'expiation et d'épreuve. C'est pourquoi l'homme y est en butte à tant de misère. L'habitant de la planète ne peut pas encore jouir d'un complet bonheur, puisqu'ici, la vie lui est donnée comme une épreuve ou une expiation, mais il dépend de lui d'adoucir ses maux et d'être aussi heureux qu'on le peut sur la terre. En vérité, l'homme est le plus souvent l'artisan de son propre malheur. En pratiquant la loi de Dieu, il s'épargne bien des maux et se procure une félicité aussi grande que le comporte son existence grossière. L'homme, qui est bien pénétré de sa destinée future, ne voit dans la vie corporelle qu'une station temporaire. C'est pour lui une halte momentanée dans une mauvaise hôtellerie. Il se console aisément de quelques désagréments passagers et d'un voyage qui doit le conduire à une position d'autant meilleure qu'il aura mieux fait d'avance ses préparatifs. Nous devons rappeler que notre évolution spirituelle précaire représente un sérieux obstacle à l'utilisation correcte du libre arbitre et nos choix ne sont pas toujours les plus appropriés. Cependant, à mesure que nous assimilons un grand capital de connaissances et de moralité, nous donnons moins d'importance aux exigences imposées par la vie dans le plan matériel. Ainsi, le sentiment de possession, en général accepté comme un état de plein bonheur, est remplacé par un autre, celui du détachement des choses matérielles. Nous voyons donc que l'homme n'est malheureux que lorsqu'il souffre du manque de ce qui est nécessaire à la vie et à la santé du corps. Néanmoins,